Alors, je vais vous parler d'un film. Un film qui s'ouvre sur la voie lasse et très caverneuse de Gaspard Ulliel. Ce jeune homme a beaucoup de choses pour lui, mais sa voix est loin d'être agréable. C'est un très mauvais moment à passer pour les premières minutes du nouveau film de Xavier Dolan. Juste la fin du monde met en lumière une famille dysfonctionnelle dont le fils cadet revient après 12 longues années d'absence pour leur annoncer sa mort prochaine. Si les premières minutes sont à peine supportables avec cette voix off convenue et le timbre abîmé du comédien, on est vite sauvé, heureusement, en entrant dans l'univers de Xavier Dolan dès la séquence suivante. Dolan est un virtuose et chacun de ses films est une leçon de mise en scène. Tout est chorégraphié, il maîtrise à la fois son sujet, sa caméra, son montage et surtout, il a une emprise presque terrifiante sur ses comédiens. La direction d'acteur est précise et millimétrée, chacun est habité, possédé par la vision du réalisateur. Dolan rend magnifique chaque hésitation, chaque silence. Il prend le pari extrêmement risqué de filmer quasi intégralement son film en gros plan pour perdre le spectateur entre un décor peu visible et des émotions qui le sont trop. On est enfermé dans une intimité parfois gênante, parfois malsaine, mais toujours tendre et bienveillante. Ses plans sont sublimés par une lumière en clair-obscur qui colle parfaitement à son sujet. Il fait preuve d'une très bonne gestion du fond sonore et du fond de cadre dans ce huis clos oppressant. Un des nombreux propos de ce film est l'angoisse d'être seul alors qu'on est entouré. Même lorsqu'ils sont tous ensemble, à table, les personnages sont seuls dans leur cadre. C'est l'histoire d'une famille qui ne sait plus comment communiquer et la mise en scène vient parfaire ce propos. Alors je sais que j'étais la seule à défendre Léa Seydoux, qui a percé mon cœur dès La Belle Personne, il y a maintenant presque une dizaine d'années, de Christophe Honoré. Mais aujourd'hui, et grâce à l'œil de Xavier Dolan, plus personne ne peut me dire qu'elle est fade, insipide ou qu'elle n'a pas sa place ici. Qu'elle a sa place ici que à cause de sa famille. Elle brille, elle boue, elle explose ici. Elle représente avec ses partenaires Nathalie Baye et Vincent Cassel l'hystérie à son paroxysme. Ils sont incroyables de justesse, tous les trois, dans ce registre, et leurs rôles sont teintés d'humour malgré eux, notamment dans le sarcasme très marqué du personnage campé par un Vincent Cassel au top de sa brutalité. Au contraire, Gaspard Ulliel, qui brille ici par sa maturité, et Marion Cotillard sont plus en retrait et maîtrisent parfaitement leur non-dit. Ils ont une façon d'intérioriser qui nous bouleverse, ils transcendent le film. Les personnages féminins sont très bavards, alors que les hommes se taisent jusqu'à ce qu'ils aient quelque chose à dire. C'est un peu comme le film, finalement. Le film parle, mais il pèse ses mots. Il n'en dit pas trop, tout est dit par des regards, des tensions, ou simplement des séquences musicales. Dolan réussit d'ailleurs à nous transporter sur Dragosta Dintei, oui, du groupe Ozone, qu'on vient d'entendre là il y a quelques minutes. Il nous livre une scène intense et sublime, une scène qui nous fait respirer, c'est un pur moment de grâce. Ce film, c'est aussi sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on a le droit de faire. C'est aussi sur avoir le droit, ça veut pas dire qu'on doit le faire, ça veut juste dire avoir le choix. Et le choix, c'est la liberté, c'est l'espoir, c'est la vie finalement. C'est un film sur la vie, même dans son effondrement. Le film nous apprend aussi qu'on peut aimer ce qu'on ne comprend pas. Tout ça, c'est juste la fin du monde et c'est juste un chef-d'œuvre. Merci. Ouais, mais alors, si je